Hey, you are cure it with feeling. Hey, oh, hey, travaille la cime, t'es au plein problème. C'est tout ça en dormant. Si vous voulez décompresser, on n'est qu'à décoller. Passez potes là et vinamiser. Pas ni conscience, pas ni dépense. C'est délire. Y'a qui mouvance, y'a qui ambiance. C'est ça nous voulons. Pas ni méfiance, y'a qui confiance. Pour avancer, on n'y le choix. Non pas pétant pour prendre. Nous qu'éléter, même si la vie pas toujours belle. Nous qu'éléver, musique c'est anti-étincelle. Quelle vérité, qu'il y a, simplicité. Senti en bas pour y être tout.